Hallelujah. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Humlaza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matulivu. Uihui chana tutadumu ndani ya nyumba ya Mungu, tutadumu ndani ya neema. Dans la grâce. Asante Bwana jioni ya leo. Merci pour ce soir. Naomba mioyo yetu itamani kukaa. Que nos cœurs désirent. Ndani ya presence yako. Demeurer dans ta présence. Bwana, tupendezwe tu na wewe. Agrée-nous. Asante Bwana. Merci Seigneur. Tupatie kibali kutoka kwako. Accorde-nous la faveur venant de toi. Sikie sauti ya Mungu. Que nous écoutions ta voix. Tupatie compréhension. Communique-nous la compréhension. Asante mtakatifu. Merci au Saint. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tumchapie makofi. Acclamons le Seigneur. Nataka niseme mambo mengi na mambo kidogo. Je vais parler de beaucoup et de peu de choses. Sasa hapo nimechanganya mambo mengi na mambo kidogo. Beaucoup et peu de choses. Ni kusema mambo mzito kwa muda kidogo. Cela veut dire que des choses profondes pour peu de temps. Alafu kitu cha kwanza niseme kabla sijaendelea. Je vais d'abord dire avant d'aller plus loin. Mbona watu wanachoka haraka? Pourquoi les gens sont fatigués si vite? Kuchoka. Fatigué. Unajua ukichoka, lorsque tu es fatigué, unawacha. Tu lâches. Unawacha kupigana. Tu abandonnes la bataille. Unawacha kukimbia. Tu cesses de courir. Unawacha kujaribu. Tu cesses d'essayer. Unawacha kusaidia. Tu cesses d'aider. Unawacha kuomba. Tu arrêtes la prière. Unawacha kusoma. Tu arrêtes la lecture. Sababu gani? Pourquoi? Umechoka. Tu es fatigué. Nini ufanya moyo ichoke? Qu'est-ce qui fait que le cœur soit fatigué? Sababu ulingojea. Parce que tu as entendu. Na haikufika. Et c'est pas arrivé. Sasa mtu amengojea. Maintenant quelqu'un attend. Alafu haijafika. Et ça n'arrive pas encore. Anachoka. Il est fatigué. Lakini nakumbuka maandiko. Mais je me rappelle dans les écritures. Wale wazee. Le vieux. Wakachukua Paulo. Ils ont saisi Paul. Wakamweka kwa kikapo. Ils l'ont mis dans le panier. Wakamshukisha kwa ukuta. Et l'ont fait descendu de la muraille. Ilikuwa usiku. C'était la nuit. Sasa walikuwa wanashukisha polepole. Il le faisait descendre lentement. Nataka ni imagine. Je veux imaginer. Wangechoka. S'ils étaient fatigués. Na labda wangechoka. Peut-être s'ils étaient fatigués. Na kikapi imekaribia. Et le panier approchait le sol. Iko tu hapo. C'était à quelques mètres. Hapo imefika. C'est déjà arrivé. Alafu wachoke. Et qu'ils sont fatigués. Yaani unachoka. Tu es fatigué. Na umekaribia. Alors que tu t'approches déjà. Umekaribia kabisa. Tu es tout près. Umekaribia muujiza. Tu es si près de ton miracle. Umekaribia kabisa. Oui, tu es si près. Na unachoka. Et tu es fatigué. Unajua kama ni usiku. Si c'est la nuit. Na umeshikilia hapo. Et que tu saisis. Hautaona umbali. Tu ne verras pas que c'est si près. Utafikiria bado ni mbali. Tu penseras que c'est si loin. Mtu anachoka. Quelqu'un est fatigué. Na amekaribia. Et qu'il est tout proche. Tusichoke. Ne soyons pas fatigués. Sichoke. Sababu shetani ufanya mioyo ichoke. Le diable rend nos cœurs fatigués. Na moyo ikisha choka. Et quand le cœur est si fatigué. Moyo inawacha. Le cœur abandonne. Lakini nataka niseme hivi. Mais j'aimerais dire ceci. Mungu uleta opportunité tena. Dieu t'accorde une nouvelle opportunité aujourd'hui. Yeye uleta opportunité tena. Il nous donne encore une opportunité. Maandiko inasema. Il est écrit dans la Bible. Samson a kambia yule kijana. Samson a dit à ses jeunes. Niongoze penye iko mwamba ama penye hii jengo imeshikiliwa. Conduis-moi là où il y a le pilier, le pivot. Niongoze pale pale. Conduis-moi là où il y a le pivot. Penye iko nguvu. Là où il y a de pivot. Penye wamenifungia. Penye wamenifungia. Là où on m'a incarcéré. Penye wamenitesea. Là où on m'a fait souffrir. Niongoze pale. Conduis-moi là-bas. Leo nataka ujiombe. Je mérite que tu pries pour toi. Useme Mungu Baba. Tu, oh Dieu Père. Nataka nijue ni wapi pale. Je veux savoir où est-ce que. Niongoze pale. Conduis-moi là. Penye nimefungiwa. Où je t'ai incarcéré. Penye adui yako na nguvu. Là où l'ennemi tire sa force. Penye yako na uwezo. Là où il tire son pouvoir. Unajua anakuwa na wapi uwezo? Tu sais là où l'ennemi tire son pouvoir? Shetani ufanya kazi. L'ennemi travaille. Na mashtaka. Avec des accusations. Anakushtaki. Il t'accuse. Anakushtaki kwako mwenyewe. Il t'accuse à toi-même, l'auto-accusation. Anakushtaki kwa watu wengine. Il t'accuse auprès d'autres personnes. Anakushtaki kwa Mungu. Il t'accuse à Dieu. Kama unaweza kataa mashtaka. Et si tu refuses les accusations. Shetani anakuambia. Le diable te dit. We haukusoma. Toi, tu n'as pas étudié. Watu wenye hawakusoma. Les gens qui n'ont pas étudié. Huwa wafaulu maishani. Ne réussissent pas la vie. Sasa unauliza. Alors tu dis. Nataka kazi. Tu te dis, je veux le travail. Sauti inakuambia. Une voix te dit. Haukusoma. Tu n'as pas étudié. Hawezi ukapata kazi. Tu ne peux pas avoir du travail. Amesha kushtaki. Là, il t'accuse. Sababu ya masomo yako. À cause des études. Unaenda kuomba kitu kwa Mungu. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Anakuambia hujafunga siku tano. Il te dit, tu n'as pas encore jeûné 5 jours. Hawezi ukapata. Tu ne peux pas l'obtenir. Anakushtaki. Il t'accuse. Shetani utushtaki. Le diable nous accuse. Anatushtaki na vitu kidogo kidogo. Il nous accuse par des petites choses. Alafu tunabakia fasi moja. Et nous stagnons. Tunaomboleza. Nous commençons à nous lamenter. Sababu shetani anatushtaki. Parce qu'il nous accuse. Mashtaka ya shetani. Les accusations du diable. Lakini leo nataka ujiombe. Mais aujourd'hui je veux que tu pries pour Useme toi. Mungu. Et dire à Dieu. Hii mashtaka nimejishtaki. Les accusations que je faisais de moi-même. Hii mashtaka shetani amenishtaki. Les accusations que le diable faisait à mon leo égard. Leo ninakataa. Aujourd'hui je le refuse. Maana maandiko inasema. Parce qu'il est écrit. Ninaweza fanya yote. Je peux tout faire. Kupitia Kristo. Par le canal de Jésus qui me fortifie. Ninaweza fanya yote. Je peux tout. Ninaweza fanya biashara. Je peux faire le business. Ninaweza omba. Je peux prier. Ninaweza ubiria watu. Je peux prêcher les gens. Ninaweza olewa. Je peux me marier. Ninaweza pata kazi. Je peux obtenir le ninaweza, travail. Ninaweza. Je peux. Uko na ile capacité. Tu as cette capacité. Sababu anasema unaweza. Parce qu'il dit tu peux. Paul akasema. Paul a dit. Ninaweza fanya yote. Je peux tout. Kupitia Kristo anitiaye nguvu. Par Christ qui me fortifie. Mara mingi. Beaucoup de fois. Ni sisi wenyewe tunajilimite. Nous nous limitons nous-mêmes. Kwa mambo ya kiroho. Spirituellement. Kwa mambo ya kimwili. Sur le plan physique. Kwa mambo ya ndoa. Dans le mariage. Ni sisi wenyewe tunajilimite. Nous nous limitons nous-mêmes. Nasema iko impossible. Tu dis non, c'est impossible. Ukisha sema iko impossible. Quand tu dis que c'est impossible. Yesu alikuwa anaponya watu. Jésus guérissait les gens. Lakini alikuwa anasema kitu moja. Mais il disait une chose. Unataka nikufanyie nini? Que veux-tu que je fasse pour Mutu toi? Mtu anasema nataka nipone. Et la personne quand il dit je vais guérir. Alafu anasema. Il disait. Iwe kwako vile umetaka. Qu'il te soit fait selon ta foi. Na vile umetaka. Et ce que tu veux. Ndio vile umesema. Tu déclares selon ce que tu veux. Hawezi ukataka, tu ne peux pas vouloir na ukakosa kusema, et que tu ne déclares pas. Sababu moyo inaamini, parce que le cœur croit, kinywa inasema, et la bouche confesse. Tunasema, nous confessons ile tumeamini, c'est donc en quoi nous croyons. So, utaona mtu anasema, ah, impossible. Ah, quand quelqu'un dit c'est impossible, mimi nataka niseme, iko possible. Moi je veux toujours dire c'est possible. Iko possible kuavancer. Il est possible d'avancer. Iko possible kusoma. Il est possible d'étudier. Iko possible uende nje ya Congo. C'est possible que tu voyages en dehors du iko Congo. Iko possible ujenge. Il est possible que tu construises. Iko possible ubirie chef yako. Il est possible de prêcher à ton chef. Iko possible ulete watu kwa Yesu. Il est possible d'amener des gens à Christ. Iko possible. Je dis c'est possible. Nani a dit c'est impossible? Qui a dit que c'est impossible? Ni mashtaki ya shetani. Ce sont les accusations du diable. Shetani utushtaki. Les diables nous accusent. Alafu tunabakia fasi moja. Et là nous stagnons. Nataka uelewe. Je veux que tu comprennes ceci. Mara mingi, la plupart des fois, ni sisi. C'est nous-mêmes. Sababu tujainuka. Parce que nous ne sommes pas encore levés. Papa alitufundisha. Papa nous a enseigné. Tu crois responsabilité. Saisis ta responsabilité. Si mambo tu ya mwili peke yake. C'est pas seulement des choses physiques. Mambo ya kiroho pia. Même les choses spirituelles. Tu crois responsabilité. Saisis ta responsabilité. Imagine kama Samson. Imagine si Samson. Angeka tu. Angeikala. Pouvait juste rester là. Aseme walisha nitoa macho. Et dire comment trouver les yeux. Niko kwa prison. Je suis en prison. Hadi tu siku nitakufa. J'attends ma mort. Ange kufa hivyo. Il allait mourir sans événement. Lakini Samson akasema. Mais Samson s'est dit. Mungu mara hii tena. Dieu cette fois-ci. Opportunité ingine moja tu tena. Juste une opportunité encore. Nimalize hii adui mara hii tu tena. Que je venge les ennemis. Mimi na wewe tuko ndani ya Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Kwa hivyo hatutakufa kama Samson. Nous ne mourrons pas comme Samson. Sababu Yesu alisha kufa. Parce que Jésus est mort. Sisi tutaishi. Nous vivrons. Atatupatia opportunité tena. Il nous donnera encore l'opportunité. Tutashinda tena. Nous allons vaincre encore. Tutaenda mbele tena. Nous allons avancer une fois de plus. Tutasimama tena. Nous allons nous relever. Tutavancer tena. Nous allons avancer. Iko opportunité ingine kwetu tena. C'est une nouvelle opportunité pour nous encore. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Iko possible. Il est possible. Tout c'est possible. Inawezekana yote. Mungu ni mwema. Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce que umeamini unaweza tena? Crois-tu que tu peux encore? Mimi leo nataka utoke hapa. Je veux que tu quittes aujourd'hui. Utembee kama ambassade. Et que tu marches comme ambassade. Un ambassadeur. Ambassade ya mbinguni. Une ambassade céleste, un ambassadeur de Dieu. Hajione huruma. N'a pas pitié de lui. Mungu, il ne marche pas comme un misérable. Apana. Non. Ata neza kosa kitu kwa mfuko. Même quand tu n'as rien. Lakini ndatembea vizuri. Marche tête haute. Asita sumbuliwa kwa njia. Et ne te culpabilise pas même sur le chemin. Mimi ni ambassade. Parce que je suis un ambassadeur. Pesa tu peke yake. Juste l'argent. Na nimenunuliwa kwa damu. Alors que je t'ai payé, on a payé le prix du sang. Tu ne peux pas comparer l'argent au sang de Jésus. Sasa nikikosa pesa, lorsque je manque l'argent, niko na damu. Oui, je le sens de Jésus. Na nikiwa na damu, et si je le sens, pesa itakuja. L'argent viendra. Ipende, isipende. Que l'argent le veuille ou pas, itakuja. L'argent viendra. Tuko ndani ya damu. Nous sommes dans le sang de Jésus. Tunaweza tena. Nous pouvons encore. Nataka nionyeshe mambo mawili. Je m'aimerais montrer deux choses. Alafu tuombe tuvunje hii mambo inatuzuia. Et après nous allons prier et briser les choses qui nous font stagner. Inatufanya tubakie nyuma. Les choses qui nous font stagner. Deuteronome chapitre 6. Wafalme wa pili sura yake ya 6. Deuteronome chapitre 6. Wafalme wa pili sura yake ya 6. Na mstari wa kwanza hadi wa nne ama wa tatu. Nous allons lire du premier au quatrième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Des Rois chapitre 6, 1 à 4. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis, devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Amen. Amen. Utaona hiyo mambo yote imefungana hapo pamoja. Ces choses sont entancées à un seul élément. Kitu nataka niseme ni hii. Ce que j'aimerais dire c'est ceci. Fasi ambayo umekaa. Là où tu es. Andrua yako. Le milieu où tu es. Inaweza fanya ukakuwa stagne. Peut faire casser que tu stagnes. Sababu hujawahi ona kitu kingine. Parce que tu n'as jamais vu quelque chose d'autre. Sasa hauwezi kaendelea. Tu ne peux pas évoluer. Niliishi kwa village moja. J'étais dans un village où je vivais. Nanawaza nimewahi wapatia itamonia. Je pense que je vous l'avais dit un jour. Niliishi kwa village moja hapa Congo. Je vivais dans un village ici au Congo. Nilikuwa na pick-up gari. Je préparais les fufu. Na non, gari. Voiture. Ah OK, je conduisais le véhicule. Na nilikuwa napenda kwenda evangelisation sana. Je désirais beaucoup aller évangéliser. Sasa nikachukua wamama wengine. Je pris quelques mamans. Wakapanda kwa gari nyuma. Ils sont entrés derrière dans mon véhicule. Na unajua ile gari ni camionnette. C'était une camionnette. Wakapanda nyuma. Ils sont entrés derrière. Tukaenda tukafanya injili. Nous avons évangélisé. Tukarudi. Nous sommes rentrés. Ikakuwa moment ya témoignage na rapport. C'était un moment de témoignage et de faire le rapport. Nikaona mama moja katikati ya wamama hawa. Une maman parmi ces mamans là. Akakuwa amejaa moto à témoigner. Avait tellement été elle avait la pression de témoigner. Nikasema sawa mama apatiwe nafasi. Alors je dis maman, tu as l'opportunité. Aliposimama. Quand elle s'est levée. Akasema tangu azaliwe. Elle a dit depuis que je suis né. Hadi leo. Jusqu'à aujourd'hui. Amepanda gari. Je suis monté dans un véhicule. Tunaona si tunacheka tunaona ni ya kawaida. Nous pensons que c'est ordinaire. Sasa niambie huyo mama ukileta yeye goma hapo kaweka katikati ya ville. Alors si tu amènes cette maman et tu la places ici. Si ataweka mikono kwa kichwa apige nduru. N'est-ce pas elle va lever le main et commencer à rendre gloire. Sababu ataona hii magari yote itamgonga. Et elle va commencer à s'étonner parce qu'il verra que ses véhicules vont la cogner. Ataanza kuuliza hii yote ilinunuliwa na pesa. Elle dira mais est-ce qu'on a payé avec l'argent tout ceci? Atafikiria hii pesa waliokota walifanya nini? Elle va se demander est-ce qu'on a ramasser cet argent ou quoi? Sasa shida yake ni nini? C'est quoi son problème? Andrua penyanaka. L'environnement où elle a évolué. Si ati sisi tuko mzuri sana. Nous sommes bien. Ni ati Mungu alitusaidia tukakuwa Goma. C'est juste que Dieu nous a fait grâce d'être à Goma. Tumeona hii vitu tumeona leo. C'est là que nous voyons ce que nous voyons. Na kuna mingi hatujaona. Il y a nombre que nous n'avons pas encore. Sasa hatuna standard ya kukompare. Nous n'avons pas le standard de comparaison. Leo hii, aujourd'hui, ninaenda mara mingi, je voyage. Ninaenda kwa television. Beaucoup de fois, je pars à la télé. Naenda kutafuta wahubiri wakubwa. Chercher de grands orateurs. Nisikie vile wanahubiri. Pour voir comment ils prêchent. Wanipatie defi. Qu'ils me challenge. Nitamani kuwa kama nao. Afin que je désire être comme eux. Sababu kuna standard. Parce qu'il y a un modèle. Lakini nikafikiria mimi nimefika. Mais si je pense que je suis arrivé, nitakomala kuliko hapa kweli. Vais-je croître plus que ce que je suis maintenant? Sasa fasi unakaa. Là où tu es. Fasi unakaa kiroho. Là où tu es spirituel. Fasi unakaa kimwili nyumbani. Physiquement là où tu es. Quartier unaikala. Le quartier où tu es. Inaweza fanya ukabakia fasi moja. Peut faire casser que tu stagnes. Kuna watu leo wamenunua moto. Il y a des gens qui ont payé le moto aujourd'hui. Je ne dis pas qu'avoir une moto c'est mauvais. Lakini wametosheka. Mais ils se contentent, ils sont satisfaits de la moto. Mbele. Ils ne peuvent pas évoluer. Sababu wako na moto. Parce qu'ils sont satisfaits. Kuna watu wamefunga siku tatu. Il y a des gens qui ont déjà eu à jeûner trois jours. Na wametosheka. Et ils sont satisfaits de ces records. Ni siku tatu. akifunga ni siku tatu. Lorsqu'il commence à jeûner, au maximum c'est juste 3 jours. Hadi uende centre de prière, même quand tu vas à la prière, ndio upate watu wamekaa huko 40 jours. Jusqu'à ce que tu rencontres des gens jeûnés pendant 40 jours. Na hawajakufa. Et ils ne sont pas morts. Siku ingine niliona papa mmoja. Un jour je viens papa. Sasa alikuwa anaongea na évêque yangu. Il parlait avec mon évêque. Akamwambia papa évêque, pesa yangu imefungwa. Il dit mon évêque papa, mon argent est bloqué. Évêque akafanya hivi akasema nimetoa pesa yako. Ndio hii nimefungua enda utapata. L'évêque dit je récupère ton argent, saisis-le et va, tu vas réussir. Wale mzee akaenda. Ce vieux est parti. Watu wakamlipa pesa yake. Les gens lui ont payé son argent, ses sommes. Akakuja kuuliza. Et il est venu demander. Hiyo nguvu yenye ulifanya hivi na hivi tu na pesa ikatoka ilitoka wapi? Cette puissance que tu as fait comme ça est appliquée. D'où est venue cette puissance? L'évêque akamwambia ni kufunga na kuomba. L'évêque lui a dit c'est jeûner et prier. La dernière fois walikutana. La dernière fois quand ils sont rencontrés. Mzee aliambia évêque. Le vieux là a dit à l'évêque. Unikumbuke niko siku ya tano. Rappelle-moi, rappelle-toi de moi, je suis au cinquième jour. Il me provoquait. Tu vois que ça a provoqué. Ça, nini na kuprovoke. Qu'est-ce qui te provoque? Mali penye unaka. Là où tu es. Est-ce que kuna avancement? Est-ce qu'il y a une avancée? Inakuchokoza winuke. Quelque chose te met en défi pour t'élever? Ama penye unaka umesha pashinda. Ou là où tu es, as-tu déjà vaincu pour surmonter? Umesha ka uko juu yake. Tu as déjà surmonté là où tu es. Ukisikia umesha kaa huko juu yake. Si tu as pu surmonter. Ni wakati mzuri ya kutoka. C'est un temps maintenant de quitter. Tafuta environnement ingine. Cherche un environnement nouveau. Ya kukuletea défi. Qui va te challenger à nouveau. Kuna watu mimi huona kwetu. Il y a des gens que je vis chez nous. Sisi tunaenda tunafunga ndani ya jengo tunaomba. Nous prions, quand nous prions, nous fermons. Nous sommes dans un bâtiment que nous fermons. Je vois d'autres vieux viennent avec de Bible. Na karatasi plastique. Avec papier plastique. La couverture en plastique. Wanaingia mupori. Ils vont dans la forêt. Hakuna nyumba. Il n'y a pas de maison. Hakuna maji. Il n'y a pas de quoi. Hakuna ta. C'est à titre de ménage. Non, mwangaza. Il n'y a pas de lampe. Sasa wanaingia huko ndani. Ils entrent dedans. Wanatoka baada ya siku saba. Et ils quittent après 7 jours. Mimi naangalia hii mtu. Et quand je vois cette personne, asema, ah, je dis non. Hapo umenipatia défi. Là, tu m'as challengé. Hapo mimi sijafika. Je ne suis pas arrivé. So inanichokoza na tamani. Ça m'active pour agir aussi. Je, penye huko ni wapi? Où est-ce que tu es? Sababu penye huko, là où tu es, panaweza kuwa panakusaidia ukue na unakubaliana na hiyo mateso uko nayo. Là où tu es, ça, le lieu où tu es peut t'amener à accepter la souffrance dans laquelle tu es. Na shida zenye uko nazo. D'accepter le souffrance que tu traverses. Unakaa pamoja nazo. Et tu demeures avec ces choses. Ndipo sasa huyo mama anaitwa Hana. La maman appelée Anne. Ilibidi apate mtu anaitwa Penina. Il fallait qu'elle ait une Penina. Ndio Penina alimsaidia. Penina l'a beaucoup aidé. Mimi naomba upate Penina. Je prie que tu aies une Penina. Na ukipata Penina ni mzuri. Et quand tu trouves une Penina, c'est bon pour toi. Penina wakikuwa kanisani wanakuwa wazuri. S'il y a de Penina à l'église, ces gens sont utiles. Unakuja unaomba kwa bidii. Tu viens, tu pries avec vigueur. Penina anaangalia tu. Penina regarde juste. Sema ni masaa mbili tu umeomba wewe. Il dit toi tu n'as fait que 2 heures. Mtu mzima kama wewe. Quelqu'un comme toi juste 2 heures. Masaa mbili tu. 2 heures seulement. Utakasirika. Tu vas te fâcher. Lakini prochaine utaongeza. Mais la prochaine tu vas encore augmenter. Penina amekusaidia. Penina t'a aidé. Sasa wapi unakaa? Où est-ce que tu es? Wapi unakaa? Où est-ce que tu es? Na simaanishi tu mahali physique peke yake. Je ne parle pas seulement du milieu physique. Na maanisha pia mahali spirituel. Il y a aussi le milieu spirituel. Inafaa unaomba. Il te faut prier. Inafaa niombe bibi yako akue penina yako. Il faut que ta femme, ton mari devienne ton penina. Unaomba jioni masaa mbili. Tu pries 2 heures le soir. Unaenda kulala. Tu vas dormir. Mama anakuuliza sasa hiyo imetosha umetuombea kweli? Papa dit non, est-ce que cela suffit et tu penses que tu as vraiment prié pour nous? Ouais, tuombe. Mais toi prie pour nous. Penina ni wazuri. Le péninat sont utiles. Même à l'église, ces gens-là sont utiles. Unakuja na style ya nywele. Tu viens avec ta coiffure. Penina na kuona. Penina te voir. Hizi ma style ya 80 ndio bado navaa hapa. Il dit toi, le style des années 80, c'est ce que tu continues à mettre jusqu'aujourd'hui. Enyewe utakasirika. Tu vas te fâcher. Lakini itakusaidia utainuka. Mais ça va t'aider à te relever. Unakaa wapi? Où est-ce que tu es? Mahali penye unakaa. Le milieu où tu es. Lafu kiangalia maandiko vizuri. Et quand tu check les écritures bien. Hawa watu walifanya nini? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Walienda kwa baba. Ils sont allés auprès du père. Wakasema baba. Ils ont dit père. Hii fasi tumekaa ni kidogo. Le milieu où nous sommes est tellement petit. Sasa kama angekuwa na baba. Et s'il n'avait pas un père. Wangeenda kwa nani? Où pouvait-il aller? Jana tuliongelea habari ya baba. Hier on a parlé du père. Na baba alienda pamoja nao. Le père est allé avec eux. Kitu cha pili unaona pale. Deuxième chose. Waliamua. Ils ont décidé. Wakaona hapana. Ils ont vu et dire non. Hatuwezi tukaendelea hivi. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Walikamata responsabilité. Ils ont saisi la responsabilité. Wakasema Ils ont dit non. Haiko kawaida. C'est pas normal. Siwezi nikateseka hivi siku mingi. Je ne peux pas souffrir comme ça pendant longtemps. Ndugu yangu mkubwa. Mon grand frère aîné. Anaamini Yesu. Crois en Jésus. Anaamini Yesu ako na uwezo yote. Crois que Jésus peut tout. Anaamini kabisa. Oui, il croit. Nikamuuliza kwa nini? Je lui ai demandé pourquoi. Akaniambia kulitokea na msichana mmoja. Il dit il y a une jeune fille. Akamaliza masomo. Qui a fini les études. Akakuja alikuwa rafiki ya ndugu yangu. C'était l'ami d'un frère. Akaenda kwake akamwambia unaona ile bureau pale? Il lui a dit tu vois ce bureau là? Nitaenda kutumika hapo. Moi j'irai travailler dans ce bureau. Hapo ndio nimeamua nitaenda. C'est là que j'ai décidé de travailler. Ndugu yangu akamcheka. Ma femme s'est moquée. Non, my ndugu yangu, mon frère s'est moqué. Akamcheka sana. Il s'est moqué d'elle. Msichana akasema utaona. Et cette jeune fille a dit tu le verras. Kuna fasi inaitwa Katoloni kwetu. Il y a un endroit qu'on appelle Katoloni. Ni fasi ya maombi. C'est un endroit de prière. Ukitaka kuomba na kufunga unaenda pale. Si tu veux prier et jeûner, tu vas là. Musichana akaenda pale. Cette jeune fille est allée à cet endroit. Akasema Mungu. Elle a dit Dieu. Sitoki hapa. Je ne vais pas quitter ici. Hadi unihakikishie ninaenda pale kazi. Jusqu'à ce que je me rassure que je suis engagé dans cette entreprise. Na alipata ile kazi. Elle a obtenu l'engagement dans cette entreprise. Alipokutana ndugu yangu. Quand il a rencontré mon frère. Kamwambia ninaenda kazi pale. Il dit non, je vais au boulot dans cette entreprise. Je suis déjà engagé. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, c'est Jésus. Où est-ce que tu es? Et avec qui tu t'aimais? Il y a certaines personnes avec qui tu peux être. Qui te dorlotent. Tu es en problème. Il faut t'élever et relever. Mais tu es en problème. Il te dorlote. Wanakusaidia. Il t'aide à y demeurer. Ndio kuna watu wengine wakikuja kwangu. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils viennent chez moi, ninaangalia capacité iko ndani yao. Je vois la capacité qu'il y a en eux. Ninajua huyu nikitoa pesa nikampatia. Et je dis, si je donne l'argent à cette personne, ninajua nitakuwa namsaidia bakie hivyo. Nitakuwa nafanya bakie pale pale. Je veux l'aider à stagner. Sasa akikuja. Lorsque cette personne vient, pesa, même lorsque j'ai l'argent, naangalia, je regarde. Nazitoa aangalie niko nazo, j'enlève l'argent et qu'il constate que j'ai vraiment l'argent. Alafu na munyima. Et après, je ne lui donne pas. Atakasirika yenyewe. Même s'il se fâche aujourd'hui. Lakini ataenda alie mbele ya Mungu. Mais il va pleurer devant Dieu. Ataenda atafute ni kitu afanye. Il va chercher quoi faire pour gagner l'argent. Baada ya miaka mingi, après beaucoup d'années, takuja niambie ulinisaidia. Il me dit, tu m'as beaucoup aidé. Wapi unakaa? Où est-ce que tu es? Na nani unakaa na yeye pale? Et avec qui tu es? Kuna fasi tunakaa. Il y a des milieux où nous sommes. Zinatusaidia kustagner vizuri. Il y a des environnements qui nous aident à stagner complètement. Unabakia pale. Tu demeures là dans la situation. Kuna wamama wako na wasichana. Il y a des mamans qui ont des jeunes filles. Alafu mama ataki watoto wake waolewe. Et la maman ne veut pas que ses filles se marient. Wamsaidie tu. Afin de continuer à aider aux travaux ménagers. Kuna wamama wengine. Il y a d'autres mamans. Anasimama huko kwa nyumba. Elle est là à la maison. Anaanza kutusi msichana. Elle commence à injurier la fille. Wengine wa umri yako wameshaolewa. D'autres de ton âge sont mariés. Wewe unafanya nini hapa? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Si msichana atakasirika. La fille se fâche. Lakini ukisha kasirika. Mais quand tu te fâches, utaenda kutafuta. Tu vas aller chercher. Wapi unakaa? Où est-ce que tu es? Wamama, muendele na hiyo kazi ni mzuri. Les mamas Penina, continuez. Na mimi pasteur yangu alinisaidia sana. Mon pasteur m'avait aussi aidé. Alitoa témoignage. Il a fait un témoignage. Lui pensait qu'il a témoigné. Mais ce témoignage m'a beaucoup aidé. Nikaamuka, nilikuwa nimelala. Je me suis levé parce que j'étais en sommeil. Nikakuwa mpe serie. J'étais devenu actif. Sababu alitoa témoignage hivi. Parce qu'il avait témoigné ceci. Akasema alimaliza masomo. Il dit qu'il avait fini les études. Sasa akawa amekaa na baba yake kwa nyumba, kwa lupango. Et il vivait dans la même maison avec son père. Akaona viatu yake imezeeka. Il vit que ses chaussures étaient usées. Akaambia baba. Et il dit à son père. Viatu yangu imekwisha. Voici que mes chaussures sont usées. Nisaidie pesa ninue ingine. Fais-moi le fond afin que je paye autre. Asante Mungu kwa yule baba. Merci à Dieu pour ses papas. Baba akasema ningoje tu hapa. Le père a dit attends là-bas. Ninakuja. Je vais venir. Akaingia kwa nyumba. Il est entré dans la maison. Akachukua ile fimbo mzuri. Il a pris une bonne chicote. Alipotoka nje. Et quand il est venu, akakuja akamweka fimbo. Il a giflé ses fils. Akauliza mwanaume atanunulia mwanaume mwingine viatu. Il dit un homme va acheter pour un homme les chaussures. Mushamuka auzie mushamuka mwingine viatu. Ilikuwa kuchekesha lakini ilimsaidia. C'était amusant mais ça l'a beaucoup aidé, ça l'a boosté. Na wakati mimi nilisikia. Et quand j'ai compris cela, nikasema sitangojea nipate fimbo. Je me suis dit j'ai pas besoin d'attendre la chicote. Wacha nijipange mapema. Je dois me placer correctement. Nitoroge kwetu. Je vais fuir chez moi. Wapi unakaa? Où est-ce que tu restes? Penye unakaa inaweza fanya ukastagne. L'environnement où tu es peut te faciliter la stagnation. Il te faut changer. Deuxième chose. Hier, j'ai parlé des trois éléments. Maintenant, je vais ajouter la cinquième chose. Le diable. Shetani anaweza kukublokee. Le diable peut te bloquer. Si sababu umefanya kitu. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ni sababu shetani anakuchukia. C'est juste parce qu'il te hait. Shetani hajawahi kukupenda. Le diable ne t'a jamais aimé. Paulo anasema katika wa Thessalonike. Paul dit dans Thessaloniciens. Katika wa Thessalonike chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 2. Le deuxième chapitre. Verset 18. Le 18e verset. Paulo anasema. Paul dit. Nilitamani kukuja kwenyu. Je désirais venir auprès de vous. Lakini shetani alinizuia. Mais le diable m'en a empêché. Nilitamani nifanye kazi. Je suis désiré travailler. Lakini shetani alinizuia. Mais le diable m'en a empêché. Nilitamani niombe sana. Je désirais prier. Lakini shetani alinizuia. Mais le diable m'en a empêché. Shetani anaweza kukuzuia. Le diable peut t'empêcher. Shetani akikuzuia utafanya nini? Si le diable t'empêche, qu'est-ce que tu vas ne faire? Kupita na yeye. Tu dois lutter avec lui. Et Shetani akikuzuia, si le diable t'empêche, ne kupita na yeye. Tu dois lutter et avancer. Nilikuwa ninasoma maandiko. Je lisais les écritures. Na nimeelewa mambo mbili. J'ai compris des choses. Shetani akiwa pande hii, lorsque le diable est à gauche, na roho ya usherati iwe pande hii, et l'esprit d'impudicité à droite, nitakimbia usherati. Je vais fuir l'impudicité. Lakini nitapita na Shetani. Mais aller affronter le diable. Sasa Shetani akikuzuia, et si le diable t'empêche. Hapana sema nimezuiliwa na Shetani. Ne dis pas que je suis bloqué par le diable. Pita na yeye. Tu dois lutter et traverser kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Sasa nataka tujiombe. J'aimerais que nous prions pour nous. Kusema, wewe Shetani, et commence à dire toi diable ambaye ulinizuilia, qui m'a empêché d'avancer. Ukazuia nisiombe. Tu m'as empêché de leo, prier. Kwa jina la Yesu. Aujourd'hui au nom de Jésus. Nataka ujue nitaomba. Je fais que tu saches que je vais prier. Ulinizuia. Tu m'as empêché. Nisiimbie Mungu. Pour que je ne chante pas. Unanipatia magonjwa. Tu m'as donné la maladie. Leo, kwa jina la Yesu. Aujourd'hui au nom de Jésus. Nataka ujue. Je fais que tu saches. Nitaimba. Je vais chanter. Je vais avancer. Je vais te vaincre. Parce qu'il est écrit qui l'ont vaincu kwa damu ya mwana kondoo, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, na neno la ushuhuda yao, et la parole de leur témoignage. Kwa jina la Yesu, au nom de Jésus, unaanza kuomba, tu vas prier. Unasema we shetani, tu vas déclarer toi Satan. Umetuzuilia kama kanisa, tu nous as bloqué en tant que shetani, toi Satan, ambaye umetuzuia, qui nous a bloqué kama kanisa la arch, comme église arche. Tuziendelee mbele, que nous n'avancions pas. Tumesimama kinyume na wewe. Nous nous levons contre toi. Kwa damu ya mwana kondoo, par le sang de l'agneau. Kwa damu ya Yesu Kristo, par le sang de Jésus. Tunakutangazia, nous t'annonçons, tutaendelea mbele, que nous allons avancer. Tutaendelea mbele, nous allons percer. Tutahubiri injili, nous allons prêcher l'évangile. Watu wataokoka, les gens vont connaître wewe Jésus. Wewe shetani, toi Satan, ambaye umeshikilia watu, qui a saisi, capté, bloqué les gens pour ne pas venir à Jésus. Kwa damu ya mwana kondoo, par le sang de l'agneau. Tumekuamrisha, nous t'ordonnons, achilia watu wote, lâche les gens. Upande wa kushoto, à gauche, upande wa kulia, à droite, upande wa mbele, devant, upande wa nyuma, de derrière, kwa jina la Yesu, au nom de Jésus, hautatushikilia. Tu ne vas pas nous saisir. Shetani ni kupita na yeye. Le diable, tu dois lutter avec. Hapana bembeleza. Ne dorlote pas le diable. Najua nilikuwa nataka kukuja jana. Hier, je voulais venir. Alafu nikasikia tu malaria. Et j'ai senti la malaria. Nikakosa kukuja. Et je n'ai pas pu venir. C'est le diable qui t'empêche de venir. Lutte avec lui. S'il se lève à la porte, affronte-le. Il amène la maladie. Affronte la maladie. Un vieux, parmi ceux qui m'ont appris à prier, était devenu malade. Vidonda vya tumbo. Il avait ulcère. Naitwa ulcère. OK, ulcère. Mm-hmm. Merci. Il souffrait des ulcères. Sasa kagonjwa. Il souffrait. Akaenda kwa daktari. Il est allé voir le médecin. Wakampatia dawa. On lui a prescrit le médicament. Ya 3 semaines. Pour 3 semaines. Wakamwambia, on lui a dit, pendant 3 semaines, pendant les 3 semaines, lazima ukule. Il te faut manger. Ukunywe maziwa. Manger le lait. Boire le lait. Sijui ukunywe nini. Alafu usikule hariko. Ne mange pas les haricots. Usikule chakula ya acide. Ne mange pas les aliments qui ont des acides. Papa kaka semaine ya kwanza. Première semaine. Na papa huyu ni mtu ya maombi. Ce papa était un homme de prière. Ya anajua mambo ya jeûne et la prière. Il sait les histoires de jeûner et prier. Kaka semaine ya kwanza. Première semaine. Hey, ikakuwa ngumu. C'était compliqué. Semaine ya pili. Deuxième semaine. Kaambia bibi yake. Il dit à sa femme. Ni shetani. C'est le diable. Ananizuia nisiombe. Il m'empêche de prier. Nisifunge. Que je ne jeûne pas. Kaambia mama. Il dit à sa femme. Chukua hizi madawa. Prends ces médicaments. Weka huko. Weka huko ndani. Garde dans la chambre. Kesho. Demain. Mimi naingia maombi. J'entre en prière. Si watu watafikiria huyo mtu ni wazimu. Et les gens pouvaient penser qu'il est fou. Siku ya kwanza. Premier jour. Mefunga naomba. Il jeûne et prie. Siku ya pili. Deuxième jour. Siku ya tatu. Troisième. Vidonda ni kama zitamuua. C'est comme si ces ulcères voulaient le détruire, le tuer. Siku ya ine. Quatrième jour. Zilishapona. Les ulcères étaient partis. Ni wewe ujaamua. Tu n'as pas encore décidé. Ni wewe ujaamua. C'est toi qui n'as pas encore décidé. Hizi ma excuse mingi unapata. Les excuses que tu as, c'est le diable qui t'empêche. Le diable t'empêche. Tu peux l'affronter. Tu dis, diable, tu m'as empêché pendant longtemps. Tu m'as apporté des souffrances. Tu m'as apporté un mari qui m'empêche de prier à la maison. Tu as amené toutes ces choses. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je te surmonte. Je te dépasse. Au nom de Jésus. Comment est-ce que la Bible dit les choses? Tout est possible à qui croit. Kwa yule anayamini. Tout est possible. Eh? Yote nawezekana. Sasa, eh? A celui. Sasa nimepata nouveau autographe, vocabulaire. À celui qui croit, tout est possible. Umayona hiyo maandiko? A-t-il déjà lu cela? Kwanzi nasema, na Mungu et Dieu, yote iko possible. Avec Dieu, tout est possible. Alafu inaendelea kusisitiza. Et ça continue à booster. Alafu Yesu anakuja nasema, et Jésus dit, na sisi wenye tumeamini, et nous qui avons créé, yote iko possible. Tout est possible. Sababu tuko na Mungu mwenye anaweza yote. Parce que nous avons un Dieu qui peut tout. Sasa shetani anakupinga. Et le diable s'oppose contre toi. Na wewe unakubali. Et toi, tu acceptes. Nasema kazi yangu inakuanga ngumu. Et tu dis, mon travail est tellement douloureux. Natoka kazini nimechoka. Je quitte le travail fatigué. Siwezi nikaomba. Je ne peux pas prier. Siwezi nikasoma Biblia. Je ne saurais pas lire la Bible. Siwezi nikaevangeliser tena. Je suis incapable d'évangéliser. Apana. Non. Iko possible. Tout est possible. Kwanza evangelization naonanga ni rahisi. L'évangélisation est si facile. Hata kama unaona iko ngumu. Ukitoka tu kwako hapo nyumba tu, hapo tu nje ya nyumba. Juste quand tu quittes la maison. Ukasimama kwa njia dakika mbili. Et tu te mets debout pour deux minutes. Watu ngapi wanapita hapo? Combien de gens passent? Sine wengi. Ils sont nombreux. Ukishika tu mmoja ukaambia wewe kuja nilitaka kuongea na wewe. Quand tu appelles juste une seule personne parmi tous cela et dire je vais parler avec toi. Na huko Afrika ni mzuri. Et en Afrique c'est mieux. C'est facile. Ukaambia mtu wewe simama kidogo nilitaka kusimulia na wewe. Et quand tu dis à quelqu'un arrête-toi un peu je voulais parler avec toi. Mara mingi wanasimama. Et souvent on s'arrête. Si kama inji ya Mindele watakupeleka kupake. C'est pas comme dans le pays occidentaux. Quelqu'un peut aller te traduire en justice à cause de ça. Hauna droit. Lakini hapa tuko na droit. Mais ici, nous avons ces droits. Unaweza simamisha mtu yote. Tu peux arrêter toute personne. Siku moja nilicheka. Un jour, je peux rigoler. Nilikuwa kijana mdogo. J'étais encore trop jeune. Sasa mkubwa ya police, mkubwa kabisa. Un officier policier. Nikaingia mu bureau yake. Je suis entré dans son bureau. Nikamwambia nimekuja kupa habari ya Yesu. Je dis à ce grand officier que je vais te parler de Jésus. Uache dhambi. Laisse le péché. Ukae vizuri. Et fait le bien. Mzee alianza kujitetea. Et ce vieux là a commencé à plaider sa cause. Sema wewe unajua hata mguu inauma. Il dit non, tu sais, j'ai mal au pied. Unajua hii ndio shida. Voici les problèmes. Lakini ningeingia nikitetemeka hii ni policier. Mais si je pouvais entrer en tremblotant devant cet officier. Nasi wamejaa hapa kwa barabara. N'est-ce pas ils sont nombreux à la route? Nani amewaambia habari ya Yesu? Qui leur parle de Jésus? Ama tunaogopa policier. Ou soit nous avons peur des policiers. Ils doivent croire. Et venir garder nos véhicules au parking. Imaginez si nous venons, nous trouvons des policiers convertis. Ils vont nous faciliter la sécurité. Parce que c'est de leur nature. C'est pas que nous leur faisons mal travailler. Non. C'est de leur nature. Si quelqu'un tombe ici, utaona watu wenye wako infamie na docteur. Wanakimbilia hapo, sivyo? Tu verras des gens qui sont des infirmiers, des docteurs vont fuir. Wanakimbia, waanze kumsaidia. Afin de commencer à l'aider. Na wenye si infirmier na docteur. Et ceux qui ne sont pas docteurs, infirmiers. Tunasonga kando. On va reculer. Inaweza kuwa iko contagious. Peut-être que c'est contagieux. Eh, shetani anaweza kukuopoze. Le diable peut s'opposer contre toi. Lakini shetani dawa yake ni nini? C'est quoi le médicament, la solution pour Maandiko le diable? Inasema, il est écrit, walimushinda, ils l'ont vaincu kwa damu ya Yesu, par le sang de Jésus na neno la ushuhuda yao. Et la parole de leur témoignage. Sasa tunaweza simama kinyume na shetani. Nous pouvons nous lever contre le diable. Kwanza ule mwenye analeta usingizi sana. Surtout c'est lui qui pousse, qui nous fait le sommeil. Ukasema Baba Mungu. Et quand tu dis Seigneur, j'ai longtemps dormi. Leo kwa jina la Yesu. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nasimama kinyume na usingizi. Je me lève contre le sommeil. Wewe, pietani wa usingizi. Toi, esprit de sommeil, umenitupia usingizi siku mingi. Tu as jeté le sort du sommeil sur moi. Bado napata mtu mzima analala 20 À 20 heures déjà, quelqu'un est au lit. Amelala. Il dort profondément. Alafu 6 heures asubuhi. À 6 heures du matin. Bada anashindwa kama amuke ama ngoje kidogo. Il a difficile à se réveiller. Sio ni pepo jamani. Ça ce sont des démons. Ni pepo ya usingizi. Les démons de sommeil. Maana hata watoto wadogo. Même de petits enfants. Watoto miezi 4 miezi 5. 4 mois 5 mois. Akilala usiku saa 2. Quand il dort à 20h. Minuit kama amuka mcheze. À minuit il se réveille pour que vous puissiez jouer. Na wewe unalala. Mais toi tu dors. Niambie kama hiyo si pepo. C'est pas les démons. Pepo ninakusaidia kulala. Les démons te facilitent à dormir profondément. Le diable peut t'empêcher. Pour que tu n'avances. Que tu stagnes. Mais si tu t'élèves. Lève-toi et combat-les. Et on ne badine pas avec le diable. C'est avec Dieu qu'on peut jouer. Mungu ndio tunaenda chini. Kama ni Mungu, si nasema, c'est Dieu, Baba unikumbuke. On peut plier les genoux. Unainama. Tu plies les genoux. Lakini imagine uinamie shetani. Mais plier les genoux devant le diable. Si atakuweza. Il va te gifler. Sasa shetani. Les diables. Unasema wewe shetani. Tu dis toi Satan. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Achilia. Lâche. Shetani au bembelesi. On ne joue pas avec les diables. On dorlote pas les diables. Au nom de Jésus. Sasa leo mimi najua, aujourd'hui, je sais. Watu wengi tumezuiliwa. Nombreux sont bloqués. Kuendelea. Pour ne pas avancer. Sababu shetani alituonea. Parce que le diable nous a méprisés. Akaleta wachawi wakakutengeneza. Il a amené des sorciers qui t'ont forgé. Sasa tukiongea habari ya shetani. Et lorsque nous parlons du diable. Tunaongea habari ya mashia wachawi. Nous parlons des sorciers. Tunaongea habari ya mapepo. Des démons. Tunaongea habari vitu zinaletwa na shetani. Des choses qui sont amenées par le diable. Kama magonjwa. La maladie. Unajua magonjwa inaletwa na shetani. La maladie est amenée par le diable. Sababu mimi nilikuwa naangalia Biblia. Je vois, je scrutais les écritures. Alafu nikaona mbinguni. Et je vis qu'au ciel. Hakuna siku nilisikia ama nimesoma. Je n'ai trouvé nulle part. Ati hiyo siku Mungu alikuwa ameweswa na malaria sana. Où Dieu était attrapé par la malaria. Ama malaika waliweswa na malaria sana. Où les anges étaient tombés malades. Abana. Non. Hiyo vitu tunatupiwa hapa na shetani. Ce sont des choses que le diable nous jette. Inafaa tuzikatae. Nous devons nous opposer contre cela. Abana kuomba kama fasi ingine nilienda nikaona watu wanaomba. Je suis allé quelque part où les gens priaient. Sema baba, et dire, kama ni mapenzi yako muponye. Si c'est ta volonté, guéris-le. Abana, ni mapenzi ya Mungu upone. C'est sa volonté que tu sois guéri. Kama utaki kupona, si tu ne veux pas guérir, basi uende mbinguni. Alors vas-y au ciel plus sitôt. Abana, kumalizia watoto pesa. N'épuise pas l'argent des enfants. Wacha niwasome hiyo. Lisons. Ayubu. Job. Job chapitre 36. Job 36, verset 11, le 11e verset. 11 na 12. Job chapitre 36, le verset 11 et 12. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par la glaive, ils expirent dans leurs aveuglements. Amen. Amen. Unaona nasema tutaishi ndani ya prosperité, ndani ya utajiri, ndani ya kuendelea, ndani ya kufaulu. Il dit que nous allons vivre dans la prospérité, la réussite et le progrès. Maisha yetu itakuwa ya furaha. Nos vies seront caractérisées par la joie. Sababu gani? Pourquoi? Tulimuti. Nous lui avons obéi. Lakini tusipomti. Mais si nous n'obéissons pas, tutakufa kwa upanga. Nous allons mourir par l'épée. Alafu inasema kitu ingine. Et il est dit encore. Utakufa bila kujua. Tu vas mourir sans que tu ne le saches. Unajua ni makosa. C'est une grosse erreur. Sisi kukufa. De mourir. Pasipo kujua. Avant que nous ne soyons avisés. Nimeangalia Biblia sana. J'ai beaucoup lu la Bible. Na nimeona watu wa Mungu wengi. Et j'ai trouvé que beaucoup d'hommes de Dieu walienda kukua pamoja na Mungu, qui ont marché avec Dieu, walijua siku yao ya kwenda. Ils ont si leur jour de mort. Lakini watu wenye walikuwa waovu. Mais le pécheur. Walikufa na wanasema jioni nitakuja. Ils sont morts et croire que le soir arrivera. Unakumbuka Ahab? Tu te souviens de Ahab? Ahab anasema awekwe kwa prison. Il dit tu ule nabii awekwe kwa prison. Il dit mettez le prophète en prison. Hadi nimalize vita nikuje. Jusqu'à ce que je finisse la guerre et revenir. Ha, kujua atakufa huko. Il ne savait pas qu'il va mourir. Sababu ya uovu. À cause de péché. Wewe si mtu ya kukufa ovyo ovyo. Tu n'es pas quelqu'un qui doit mourir si ordinairement. Tu natoka hapa alafu gari na kuchota tu. Nous quittons et on te cogne, tu meurs. Natupatia shida. Pana. Ça, c'est douloureux. Nataka kujiambia hivi kwa jina la Yesu. Tu vas te dire ceci au nom de Jésus. Sema jiambie mimi kwa jina la Yesu. Tu vas dire moi au nom de Jésus. Cha, taja jina yako. Cite ton nom. Sema Noah kwa jina la Yesu. Moi Christian au nom de Jésus. Si takufa, je ne mourrai pas. Nitaishi. Je vivrai. Nitangaze. Je vais témoigner. Wema wa Bwana. La bonté de Dieu. Mimi Noah. Moi Christian. Sikufi. Je ne vais pas mourir. Sikufi. Je ne vais pas mourir. Goma nisikie. Et Goma, écoute-moi. Sikufi. Je ne mourrai pas. Nitaishi. Je vais vivre. Nitangaze. Je vais témoigner wema wa Bwana. La bonté de Dieu. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Nijipigie makofi. Acclame. Unakufa unaenda wapi? Nataka tusimame. Mettons-nous debout. Nataka tusimame tujiombe. Nous allons prier. Nimesema tu point mbili peke yake leo. J'ai juste parlé de deux points aujourd'hui. Nitamalizia prochaine mambo kidogo. Je vais finir prochainement. Na mambo kidogo. Avec certaines autres choses. Sasa nataka ujiombe. Tu vas prier pour toi-même. Sijui shetani ameweka obstacle gani mbele yako. Je ne sais pas quel obstacle le diable a placé devant toi. Sijui kama ni magonjwa ameweka mbele yako. Je ne sais pas si c'est la maladie. Leo nataka uiatake. Aujourd'hui tu vas attaquer tes obstacles. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Useme wewe magonjwa. Tu vas dire toi maladie. Umeniteza siku mingi. Tu m'as fait souffrir Leo longtemps. Leo nasimama kinyume na wewe. Aujourd'hui je me lève contre toi. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Ninakuvunja vunja. Je t'écrase. Ninakungoa mbele yangu. Je t'écrase. Shetani ya magonjwa. Toi démon de maladie. Je t'arrache. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Nataka tuanze kuomba. Tu vas prier pour tes défis. Simama kinyume na huyo shetani. Lève-toi contre ces diables. Labda ni magonjwa. Peut-être c'est la maladie. Labda ni umaskini. Peut-être c'est la pauvreté. Labda ni ukosefu. Le manquement. Ambia Mungu. Tu vas dire à Dieu. Wewe shetani ya ukosefu. Toi démon de chômage. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Maandiko imesema. Il est écrit. Yakuwa amenibariki. Qu'il m'a béni. Na vitu vyote. Avec toutes choses. Na baraka za mbinguni. Toutes les bénédictions célestes. Dunia. Dunia. Monde. Na vyote vilivyomo. Avec toutes